toutes les saisons on s'aime. Avec de vrais novices heureux, accordez-nous un ménage, c'est un ménage d'amoureux. Pas au premier mais au sixième étage. Est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est belle la bande. Est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est belle la bande. Saute, saute, saute. Mon père il est soldat, il est chasseur à cheval. Et